push your focus, so I will shoot. Ayy, the realest motherfucker to love it. Ooh, ayy, ayy, the bread next time, the bread bitch time, the bread next time, they bustin' more. CISM 89.3. En vivant et en direct de Montréal, l'homme qu'on appelle Benji Neg Marron Bissona Bisso. Hey, celle-ci c'est pour la radio CISM, toi-même tu sais, ghetto érudit, on est là, non? Hey, le show le plus mangue, toi-même tu sais. Hey, mettez-vous bien, restez branchés. Yeah, yeah. Encore une fois de plus, en prend d'assaut vos appareils. Et ça paraît de CISM jusqu'au cabaret. Peu importe la station, tu peux pas terminer l'émission sans rémission dans une forte prestation. Die and Sue apporte la préparation. Entrevue musique en continu sans séparation. Déclaration, le show le plus mangue en ville arrive avec un soin contagieux, le monde en veut. C'est ghetto érudit. Yes, yes, what's up tout le monde, jusqu'à 21h30. Vous écoutez le show le plus mangue en ville, ghetto érudit avec B-Brain, Da, Noëlla, toute l'équipe des Mangues dans la place à être ce soir. Gros show en perspective. Cette semaine, il y avait le lancement de Soakay pour son projet Soakay Sound Systems. Donc, Soakay sera dans la place à être avec toute l'équipe du Silence d'or. Yeah! Ça promet d'être M-O-N-G au niveau prestation live un peu plus tard dans l'émission. Sinon, comme à l'habitude, je vous invite à aller réécouter l'émission de la semaine dernière sur CISM893.ca. Grosse émission la semaine dernière. On recevait entre autres Card et Monsieur Freddy Grossum en prévision des Word Up Battle 7. D'ailleurs, merci à tout le monde parce que le vidéo de la prestation live est rendu au-dessus de 4300 views en même pas une semaine. On l'a sorti, 6 jours, man. Ouais, lundi, je crois qu'on l'a sorti. Donc, ah, c'est cool. Je crois que ça témoigne des attentes que les gens ont aussi pour le prochain Word Up qui a lieu vendredi prochain. Définitivement. Je crois que Card va être très prêt. On a reçu Chili Chill la semaine avant cela qui nous a également dit qu'il était prêt. Bon, il y a également Wong Sifu contre Freddy Grossum. Bref, ça promet beaucoup. J'ai bien hâte d'y assister la semaine prochaine. Puis juste aussi pour les gens, la vidéo de Card est sortie du Québec en fait. Il a été post sur un site français qui est bounce2this.com, je crois. Okay. Donc, shout out à l'équipe là-bas qui a diffusé le vidéo. Si vous voulez lire le résumé de notre boy Caïman, c'est très simple. Vous allez sur ghettoérudit.com, le site officiel de l'émission, puis vous allez retrouver tous nos articles, les nouveautés qui sortent au Québec et un peu partout. Donc, ce soir, grosse émission. Dan, comme à l'habitude, j'imagine que tu nous as préparé un bloc spécial pour la première demi-heure. En effet, bon, cette semaine, j'ai décidé de consacrer la première demi-heure à une des légendes du hip-hop festoyer et célébrer aujourd'hui, du moins le 9 mars 1997. Christopher Wallace, peut-être mieux connu pour les fans de hip-hop sous le pseudonyme Notorious B.I.G., malheureusement est décédé dans des circonstances assez digne d'un film. Justement, il y a eu un film à la définitivement. Mais bon, le gars, il avait 24 ans, il était au sommet de sa forme. Je crois que il aurait tellement pu en faire davantage, mais bon, c'est le destin qui en a voulu autrement. Donc, cette semaine, on décide de consacrer notre première demi-heure à Frank White, a.k.a. Biggie, a.k.a. Notorious B.I.G. Biggie Smalls. A.k.a. Biggie Smalls. Donc, on va entendre toutes sortes de classiques. Je préférais y aller avec du matériel qui est sorti avant qu'il décède, donc rien de posthume. Je suis pas nécessairement le plus grand fan de matériel qui sort par la suite. Non, hein, parce qu'on sait pas si l'artiste aurait endossé ça. Souvent, les maquettes qui sont pas sorties, c'est des trucs que lui trouvait pas finis ou l'artiste trouvait pas finis. Donc, des fois, c'est marketing. Hein. En effet, puis bon, on sait que Tupac a sorti plus d'albums posthumes qu'il en a sorti avant de mourir. Je crois que Biggie s'est rendu la même chose. J'ai pas tenu le compte de qu'est-ce qui s'est fait après Ready to Die et Life After Death. Donc, ce soir, vous allez entendre du matériel de Ready to Die, de Life After Death, des classiques comme justement la pièce éponyme, Ten Crack Commandments, yeah. What, you know, c'est le show le plus mongue en ville, puis ça commence direct live. Right? Yeah. Peace. You ready, motherfucker? Get cool. We gon' kill your ass. I'm ready. As I grab the clock, put it to your headpiece. One in the chamber, the safety is off. Release straight at your dome homes. I wanna see cabbage. Biggie Small the savage. Doing your brain cells much damage. Teflon. sipper, girl stripper, the Henny sipper. I drop lyrics off and on like a light switch, quick to grab the right bitch and make her drive the cue. 45 plus and checks are expected when I wreck shit. Respect is collected, so check it. I got techniques dripping out my butt cheeks. Sleep on my stomach so I don't fuck up my sheets. My shit is deep, deeper than my grave, G. I'm ready to die and nobody can save me. Fuck the world, fuck my moms and my girl. My life is played out like a Jerry curl. I'm ready to die. When I used to be a crook, doing whatever it took, from snatching chains to pocketbooks. A big bad motherfucker on the wrong road. I got some drugs, tried to get the avenue sold. I want it all, from the Rolexes to the Lexus. Getting paid is all I expected. My mother didn't give me what I want, what the fuck. Now I got a Glock making motherfuckers duck. Shit is real, and hungry's how I feel. I rob and steal because that money got that whip appeal. Kicking niggas down the steps just for breath. Any repercussion lead to niggas getting wet. The infrared's at your head real steady. You better grab your guns cause I'm ready. Ready. I'm ready to die. No, we ain't gonna kill your ass yet. In a sec, I throw the tech to your fucking neck. Everybody hit the deck, Biggie bout to get some wreck. Quick to leave you in the coffin for slip talking. You better act like CC and keep on walking. When I hit you, I switch you to the white meat. You swung a left, you swung a right, you fell to the concrete. Your face, my feet, they meet with stomping. I'm ripping MCs from Tallahassee to Compton. Biggie Smalls on a higher plane. Niggas say I'm strange, deranged, because I put the 12 games in your brain. Make your shit splatter. Mix the blood like batter, then my pocket gets fatter after the hit. Leave you on the street with your neck slit down your backbone the way your motherfucking feet drip. The shit I kick, rip it through the vest. Biggie Smalls passing any test. I'm ready to die. I'm ready. Time to go. I'm gonna put you out to misery, motherfucker. Niggas definitely know what time it is. The notorious one in full effect. 93. Now I lay me down to sleep. Yeah. Pray the Lord my soul to keep. If I should die before I wake, I pray the Lord my soul to take. Cause I'm ready to die. I'm ready. I'm ready. All y'all motherfuckers come with me, bro. I'm ready. I'm ready. I'm ready. Do the small, do the grand. I'm ready. Rocking on and on at 93. Easy Mo B. That's I. That's the Bad Boy family. I don't want to see no crying at my funeral. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. It's the 10 crack commandments. Man, can't tell me nothing about this coke. Can't tell me nothing about this crack, this weed, and my hustling niggas. Niggas on the corner, I ain't forget you niggas. My triple B niggas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I've been in this game for years. It made me an animal, it's rules to this shit. I wrote me a manual, a step-by-step booklet for you to get your game on track, not your wig pushed back. Rule number uno, never let no one know how much dough you hold, cause you know that try to breed jealousy, especially if that man fucked up. Get your ass stuck up. Number two, never let them know your next move. Don't you know bad boys move in silence and violence? Take it from your highness. I done squeezed mad clips at these cats for they bricks and chips. Number three, never trust nobody. Your mom's set that ass up, properly gassed up, hoodie the mask up. For that fast buck, she be laying in the bushes to light that ass up. Number four, know you heard this before. Never get high on your own supply. Number five, never sell no crack where you rest at. I don't care if they want an ounce, tell them bounce. Number six, that goddamn credit, get it. You think a crackhead paying you back, shit, forget it. Seven, this rule is so underrated. Keep your family and business completely separated. Money and blood don't mix like two dicks and no bitch. Find yourself in serious shit. Number eight, never keep no weight on you. Them cats that squeeze your guns can hold jumps too. Number nine, should have been number one to me. If you ain't getting bad, stay the fuck from police. If niggas think you're snitching, they ain't trying to listen. They be sitting in your kitchen, waiting to start hitting. Number 10, a strong word called consignment. Strictly for live men, not for freshmen. If you ain't got the clientele, say hell no. Cause they gon' want their money, rain, sleet, hell snow. Follow these rules, you'll have mad bread to break up. If not, 24 years on the wake up. Slug hit your temple, watch your frame shake up. Caretaker did your makeup. When you pass, your girl fuck my man Jacob. Heard in 3 weeks, she sniffed a whole half a cake up. Heard she suck a good dick and could hook a steak up. Gotta go, more pies to bake up. Word up, Crack King, Frank Wizza. cold as the pole in the winter. Far from the inventor, but I got this rap shit sold. And when my Mac unloads, I'm guaranteed another video. Ready to die while I act that way. Pop Duke left Mom Duke, the faggot took the back way. So instead of making hoes suck my dick up, I used to do stick up, cause hoes is irritating like the hiccups. Excuse me, flows just grow through me, like trees to branches, cliffs to avalanches. It's the praying mantis, deep like the mind of Farrakhan. A motherfucking rap phenomenon, plus I got more Glock and texting you. I make it hot. Niggas won't even stand next to you. Nigga touch me, you better bust me 3 times in the head or motherfuckers dead. You thought so? Yeah. Fuck the world, don't ask me for shit. And everything you get, you got to work hard for it. Honey, shake your hips. You don't stop. And niggas pack the clip. Keep on. Fuck the world, don't ask me for shit. Everything you get, you got to work hard. Honey, shake the hips. You don't stop. And niggas pack the clips. Keep on. Bitch. This goes out to you and you and you, Biggie, and you. This goes out to you. This goes out to Biggie, you. Biggie. This goes out to you and you and you. Your reign on the top was short like leprechauns as I crush so-called Willies, thugs, and Rapadon. Get in that ass quick fast like Ramadan. It's that rap phenomenon. Don Dada, fuck Papa. Gotta call me Francis M.H. White, intake light toast, tote iron. Was told in shootout, stay low and keep firing. Keep extra clips for extra shit. Who's next to flip on that cat with that grip on rap? The most shady. Tell him Frankie, baby. Ain't no telling where I may be. May see me in D.C. at Howard Homecoming with my man Capone drumming fucking something. You should know my steelo. Went from 10 G's for blow to 30 G's a show to orgies with O's I never seen before. So, Jesus, get off the notorious. Peanuts before I squeeze them bucks. If the beef between us, we can settle it with the chrome and metal shit. I make it hot like a kettle get. You're delicate, you better get. Who sent you? You still pedal shit. I got more rides than Great Adventure. Biggie, how are you gonna do it? Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. On your mark, get set. When I spark, you wet. Look how dark you get when you're marked for death. Should I start your breath or should I let you die? In fear, you start to cry. Ask why. Lyrically, I'm worship. Don't front the word sick. You cursed it, but rehearsed it. I drop unexpectedly like bird shit. You herbs get stuck quickly for royalties and show money. Don't forget the publishing. I punish them. I'm done with them, son. I'm surprised you run with them. I think they got cum in them. Cause they nothing but dicks. Trying to blow up like nitro and dynamite sticks. Mad, I smoke hydro. Rock diamonds, that's sick. Got paid off my flow. Rhyme with my own clip. Take trips to Cairo. Laying with your bitch. I know you playing. You was rich. Fucking prick. When I see you, I'ma kick in the door. Waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. Kick in the door. Waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. Kick in the door. Waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. Kick in the door. Waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. This goes out for those that choose to use disrespectful views on the king of NY. Fuck that, why try? Throw bleach in your eye. Now you're brailing it. Snatch that light shit, I'm scaling it. Conscience of your nonsense. In 88, so more powder than Johnson and Johnson. Toast steel like Bronson. Vigilante, you wanna get on, son, you need to ask me. Ain't no other kings in this rap thing. They siblings, nothing but my children. One shot, they disappearing. It's ill when MCs used to be on cruddy shit. Took home, ready to die. Listen, study shit. Now they on some money shit. Successful out the blue. They lightweight, fragile. My 9 milli make the white shake. That's why my money never funny. And you still recouping. Stupid, stupid, stupid, stupid. The loudest one, representing BK to the fullest. Cats are bullets, bastards ducking when Big B bucking. Chicken heads be clucking in my bathroom fucking. It ain't nothing, they know Big B handling. With the Mac in the act or paneling, bandaging MCs, oxygen they can't breathe. Mad tricks up the sleeve, wear boxes so my dick can breathe. Breeze through in the Q45 by my side. Lyrical high, and those that brushes my clutches get put on crutches. Get smoked like touches from the master. Hate to blast ya, but I have to. You see, I smoke a lot. Your life is played out like Farmay and the fucking polka dots. Who rock the spot? Biggie, you know how the weed go. Unbelievable. That told me I never amount to nothing. Yeah. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. So good, and all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? Yeah. It's all good, baby, baby. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and Heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, Rap Attack, Mr. Magic, Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? Da ha, you never thought that hip hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up like the World's Trade. Born sinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat sausage?

pour sa 11e édition. Jazz en rafale célèbre le jazz au féminin. 24 concerts à l'Astral et au Upstairs et une centaine d'artistes dont Jerry Allen, Elisabeth Contomanu, Terry Lynn Carrington, Linda O, Shimrit Shoshan, Jane Bonnet, Géraldine Laurent, Julie Lamontagne, Min Ranger et bien plus. Jazz en rafale, c'est aussi le concours de la relève Jupiter Van Doren et des classes de maître avec de grands artistes internationaux. Toutes les informations sur jazzenrafale.com. Un événement présenté par Télé-Québec, Lulu B et Le Devoir. Ne manquez pas Isis, la star du défunt duo électro Thunderized, en spectacle au Club Lambie le samedi 12 mars. Avec en première partie The Pink Noise. Les portes ouvrent à 21h, le spectacle débute à 22h. Billets disponibles sur popmontréal.com et au Phonopolis, chez Atom Heart et à l'Oblique. Isis, le 12 mars au Club Lambie. Une présentation de Pop Montréal, Bon Sound, CISM. Ah, Louis Chopin, j'ai tant de stress, tant d'angoisse. Ma puce, pas de problème. Pourquoi pas? Eh bien, tête de linotte, tu n'as qu'à écouter l'émission spéciale du Chevreuil Observateur. Cette émission marginale, animée par des marginaux qui, marginalement, participeront à la programmation spéciale des 20 ans de la marginalité de la marge. Tu penses? On y trouvera de tout, des bruits de pas, des casseroles lancées sur les murs, des folichonneries et même un peu de burlesque. Ça va me calmer, ça? Pas vraiment. Mais viens ici, que je te berce jusqu'à la tombée de la nuit. Enfin, je trouve un peu de réconfort. Merci, Louis Chopin. Émission spéciale du Chevreuil Observateur, lundi, le 14 mars, de 9h à 10h30, sur les ondes de CISM 89,3 FM. 20 ans de la marge, 20 ans d'amour. J'aime ça quand tu me berces. Si ça peut fermer ta belle petite bouche d'imbécile, ça me fait plaisir. Yeah. Yeah, yeah. Bon, on aime ça. C'est là que ça se passe. Et voilà, confirmé. Et l'arbre est dans ses feuilles. Marie-Laure, Marie-Laure. C'est ça. C'est ça, c'est sur des ondes de voyons donc. Ah oui, la radio... Qui s'inspire des dieux grecs, qui fait sourire beaucoup, beaucoup. Selon moi, la meilleure... CISM, la marge. Plein de bijoux là-dessus. Alors, ça va être du gros stock et de la programmation indéniablement infaillible. Le show le plus mort en ville se poursuit. Alors, on monte le son, ça va être mental. Bonne écoute. Let's go. Les Breastfeeders sont de retour avec leur troisième album, Dans la gueule des jours, en magasin le 8 mars sur Blow the Fuse Records. Ne manquez pas le spectacle lancement qui aura lieu le 10 mars à La Tulipe. Les portes ouvrent à 20h, le spectacle débute à 21h. Billets disponibles sur le réseau Admission et à la billetterie de La Tulipe. Téléchargez gratuitement 400 000, le premier extrait sur lesbreastfeeders.ca. Une présentation de Bon Sound, Blow the Fuse, Boréal et CISM. CISM 89,3 FM. De retour à Ghetto Érudit, le show le plus MONG en ville, même au Québec, je dirais. La radio officielle d'HHQC.com. Yes. Donc, gros bloc de Notorious B.I.G. Rest in peace à Biggie Smalls aujourd'hui. C'est notre bloc hommage de la semaine. Sérieusement, il y a de plus en plus de blocs hommage à Ghetto Érudit. C'est une espèce de tradition que je crois qu'on va garder bien vivante. Puis en même temps, je pense que ce qui est important aussi, c'est pas juste de faire des hommages lorsque les artistes ne sont plus là, tu sais. Je crois que c'est important aussi, je suis en train de penser éventuellement, faire des blocs hommages à des artistes qu'on apprécie énormément, que ce soit Nas, Le Woo, tu sais. Même au niveau de la scène locale, comme on disait dans les dernières semaines, c'est justement d'inviter les vétérans de la scène locale le plus possible. Yeah. Retrouver les gars qui ont un peu disparu, les ramener en onde ici à CISM. Donc déjà, on en a reçu plusieurs. Restez à l'écoute dans les prochaines semaines. Il y a aussi des gros noms qui vont débarquer. La liste va s'allonger. Ça arrête pas, man. Bon, on peut déjà plugger quelques artistes qui seront présents à Ghetto Rudy dans les prochaines semaines. Il y a Cédric, ancien membre de Complice. Sort finalement un album après. Ouais, ça fait combien d'années? Ça fait une couple d'années. L'autre, je crois que c'était mon show réalité. Je suis pas certain du titre, mais... Cédric, les Chiefs, qui est de retour. Puis aussi, dans les prochaines semaines, on va recevoir le 13e étage. Donc, SP, Sans Pression, Cobna. Puis, rest in peace à Joe BG aussi, qui a fait partie de ce collectif-là il y a quelques années. Donc, c'est ça. Donc, on passe... on est à l'heure de la chronique. Yes! Bonjour, Noëlla. Bonjour, de retour. Ça va bien? Pas mal bronzé, là. Oui, vraiment. De retour de Miami. To Miami. Et là, je regarde les conditions actuelles. Je crois qu'il fait 21 degrés Celsius là-bas. Oh, ouais. Donc... Pendant ce temps-là, les gens patinent sur les trottoirs de la ville. Et shout-out au maire Tremblay. Alors, en fait, plusieurs choses pour vous à surveiller cette semaine. Vraiment, il y a tout plein d'événements qui s'en viennent d'ici quelques jours à surveiller. Entre autres, une exposition qui aura lieu au Cinoshop. Également, lancement d'un groupe d'ici, Murderface. On a également le groupe Heavy Sounds qui se produiront au Mobar. Donc, je vous donne les infos dans quelques minutes. Pour ma part, j'ai des pièces à vous présenter ce soir. Je vous présente un jeune artiste montréalais qui risque de faire du bruit dans les prochaines années. Selon moi, c'est un des jeunes qui va pouvoir sortir de Montréal avec sa musique, qui s'appelle ABCs. Restez à l'écoute. J'ai aussi une pièce de LB Woods qui vient de sortir. Ben, ils ont sorti un projet, mais ils l'ont mis gratuit sur Internet. C'est une collaboration avec Nomadic Massive, yes, un autre groupe qu'on aime bien ici à l'émission. Puis ma dernière pièce sera un classique du rap français, Faf la Rage et Shuriken. Donc restez à l'écoute. Sinon, ce soir, suggestion de sortie, il y a les King of the Dot, le chapitre montréalais organisé par Lopeshi Hindu Kush. Ça a lieu ce soir, je crois, dans les prochaines heures au Koi Lounge. Déplacez-vous en grand nombre, mais si c'est trop tôt pour vous, tout ce beau monde-là va se rendre après au Café K.O. au 2031 Saint-Denis pour la soirée Cypher. En fait, c'est une soirée d'improvisation. Il y a DJ, je crois que c'est DJ TU de 18 plein gris, yeah, qui est là, qui spin de la musique. Puis le mic est ouvert à tous les artistes anglophones, francophones, à venir spit soit un texte, soit un freestyle. Puis en passant, avis aux artistes, je crois qu'ils donnent des consommations gratuites aux artistes. Donc, vous risquez d'avoir l'équipe de Ghetto Rudy kick des 16 ce soir pour avoir une bière gratuite. Des brains va Ressortir mon vieux 16 bar de 99. c'est ça, c'est organisé par Freak Stewart de 1523. Allez visiter son site 1523.com. Alors, en fait, je poursuis en vous parlant d'une exposition qui aura lieu au Cinoshop du 28-17 Ontario-Est. Alors, l'exposition qu'on a nommée « Tout en carton » est présentée par des artistes Otech, Worm ainsi que Astro. Alors, ce sont une exposition de graffiti et de peinture sur du carton, d'où le nom « Tout en carton ». Alors, en fait, la soirée de lancement aura lieu le samedi 19 mars prochain, donc samedi prochain, à partir de 17h. Alors, c'est gratuit et je pense que ça va se poursuivre encore pour quelques semaines. En effet. Donc, je rajouterais même que bon, c'est la deuxième exposition qu'ils vont faire. La première, tout en carton, qui a été faite l'année dernière avec non pas Astro, mais Otech, Worm et Hawk. Et puis, cette fois-ci, on inclut Astro, qui est quand même un des grands noms du graph game montréalais. En fait, tous les gars là, dans ce crew-là sont talentueux, vraiment. Ouais, définitivement. Les boys de Ghetto Érudit. La famille. Otech, Worm, c'est des boys GE. Donc, le 6311, shout-outs à toute la famille. Rance, Pim, ceux qui sont un peu plus loin en France actuellement. Bref, Ghetto Érudit est bien représenté sous toutes les facettes artistiques du hip-hop. Yes. Alors, en fait, je vais rajouter qu'il est possible d'acheter quelques-unes des œuvres à quand même prix abordable. Donc, ouais, c'est pas excessivement cher. C'est ça, c'est le concept. Comme tu disais, c'est fait en carton. Donc, il y a quand même beaucoup de travail qui est fait derrière, oui, ça. Puis, à titre d'exemple, l'an dernier, mon frère en avait acheté une. Puis, la bouche d'un des personnages était faite à base d'une boîte de cigarettes. Okay. Donc, bref, les gars, ils sont très imaginatifs. Puis, sont très talentueux aussi. Donc, j'encourage tout le monde à s'y rendre samedi prochain au Cinoshop. On risque d'y être après l'émission. Absolument. Sinon, un autre show à ne pas manquer. On en a parlé beaucoup dans les dernières semaines, mais bon, ça se passe vendredi prochain, le 18 mars. Je parle bien sûr de la 7e édition des Word Up Battles. L'événement tant attendu. Je crois qu'il reste quelque chose comme une trentaine de billets à vendre via l'Internet. Ça s'est vendu très vite. Il y a une capacité de 500 personnes là-bas au Ben Mathieu. Puis on vous rappelle, hein, le main event, c'est des gars qu'on a reçus dans les dernières semaines. GCC, Jeune Chili Chill et Card. Donc, si vous voulez réentendre tout ce qui s'est dit au niveau de ce battle-là, ben allez voir, allez visiter le site ghettoerudit.com, vous avez toutes les informations là-dessus. Puis, vous pouvez aussi visiter le site officiel des Word Up qui est les wordup-battles.com. Allez faire un tour là-dessus, puis c'est le 18 mars. Donc, ça, bon, Noëlla parlait de samedi, une exposition. Oui. Big Brain, vendredi, les Word Ups. Yes. Je pourrais peut-être rajouter un autre événement qui a lieu le dimanche 20 mars, donc dans cette grosse fête de semaine-là. Oui. C'est un événement pour lequel Gâteau Érudit participe. Donc, c'est la deuxième édition du Gros Joueur. Donc, Gros Joueur, en fait, c'est des compétitions de jeux vidéo rétro, donc que ce soit Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, toutes les vieilles consoles. Mais en fait, c'est par et pour les rétro gamers, mais par des non-geeks. Donc, c'est du monde qui joue pas, ou du moins pas nécessairement à World of Warcraft, puis qui parle dans des langages codés excessifs. Non, c'est du monde très normal qui veulent se faire du fun. Donc, pour la deuxième édition, deux jeux seront en compétition. Un qui est assez fétiche pour la console Nintendo 64, GoldenEye. Je pense que tout le monde joue à ça. Non, pas moi. Et le deuxième jeu, Mortal Kombat 2. Donc, deux classiques. En fait, dimanche le 20 mars, comme je vous disais, à 19h, c'est les portes. 20h, le tournoi commence. Et donc, comment ça fonctionne? Pour Mortal Kombat 2, il y a 32 places disponibles, $150 à gagner, plus le trophée. Pour GoldenEye, il y a 64 places, $200, plus le trophée aussi. Donc, c'est des prix très intéressants. Pour s'inscrire, ça coûte seulement $10 et c'est possible de le faire sur place. Donc, j'encourage vraiment tous les gens à y assister. Également, il va aussi y avoir des kiosques d'animation interactifs. Les gars de douteux.org, ils vont être là pour présenter des jeux assez weird, qu'on a de la misère à comprendre pourquoi que ça a été marketé. Il va y avoir des DJ, de l'animation, des arcades. Il va y avoir aussi des commentateurs. Donc, ça va être un peu fait comme les sports, comme la lutte. Benoît Brunet qui va être là? Il y a un mystery guest, c'est peut-être lui. J'étais l'année dernière, c'était une cool édition de voir les gars complètement sauter devant un jeu de je ne sais trop quoi. La première édition, c'était Mario Kart au Super NES et Street Fighter 2 Turbo. Moi, je suis pas trop un gamer, mais je lance un call-out à filigrane. Si tu veux, je te pogne à Tetris, man. Time. Donc, voilà, Gros Joueur, dimanche prochain, le 20 mars. Présentez-vous, ça vaut la peine. C'est gratuit, juste pour venir voir de quoi ça a l'air. Et si vous prenez une envie de vouloir vous inscrire à une des compétitions, vous pouvez le faire sur place également. Entre-temps, je conseille aux gens de visiter le site web grosjoueur.com pour avoir davantage d'informations là-dessus et pour pouvoir voir des vidéos et images de la première édition. Gros concept, donc à ne pas manquer. Sinon, les infos seront sûrement sur ghettoerudit.com très bientôt. Sinon, on va partir avec mon bloc musical ce soir. Trois pièces. La première, ben en fait, on va y aller à reculons. On va avoir Shuriken et Faflarage parce que Faflarage prépare un album en duo avec Akhenaton qui sortira dans les prochaines semaines. D'ailleurs, il y a déjà deux vidéos en ligne. Vous pouvez aller faire vos recherches. Mais je vous reviens avec les informations officielles sous peu. Donc, un petit classique, La garde meurt mais ne se rend pas. Puis après, ben juste avant, on aura LB Woods, collaboration avec Nomadic Massive. Ça s'appelle L'épopée du microphone. Mais le premier artiste que je vous présente ce soir, c'est une découverte. En fait, on a organisé le concours, le festival Ton quartier, ton art cet automne. Puis c'était un festival où on invitait les artistes hip-hop de la relève à venir s'inscrire et à performer. Ça s'est passé au National. Puis bon, le grand gagnant de ce show-là, c'était ABCZ, très talentueux. Vous pouvez aller visiter son site, c'est abcz.ca. Le gars est en train de préparer un projet, un vidéoclip, d'ailleurs pour la pièce que je vais vous présenter. Puis il sera présent dans nos studios quelque part au printemps, venir nous parler de ses projets parce que ça faisait partie de son prix. Donc je vous présente ABCs avec la pièce Illusion sur les ondes de CISM. esprit. Tu passes ta journée à filmer des illusions. T'es dans un film, les gens te suivent. Dans tous les quartiers, oui, c'est choix de l'illusion. Toi-même tu sais, toi-même tu sais, toi-même tu sais. Moi, agile dans cette poésie, je reste froid. Juste prends cette pause, écoute ce que je te dis. Tu comprendras pourquoi je déteste autant le rap ici. Avant d'être ABC, je suis Axel. Mec intelligent et sache le rappel. J'ai aucun intérêt à vous mentir, tu vois. Je m'adresse aux fans avec respect, je vous vois. Car nous sommes tous au même niveau. N'empêche que j'ai un micro devant la bouche dont c'est plus chaud. Faut faire attention car ces plus jeunes me prennent pour mon dieu. Leur faire passer un message, voilà ce qui m'interpelle. Et je m'appelle Jambamba, un vrai nom saïrois. Fier d'être noir, je pourrais jamais me trahir moi. Tu peux parler sur moi, tu peux cracher sur moi. Tu peux chier sur moi, rien à foutre car tu m'écoutes. T'as trop d'argent, t'as trop de prix. Tu passes ta journée à filmer des illusions. T'es dans un film, les gens te suivent. Dans tous les quartiers, oui c'est toi des illusions. Toi-même tu sais, toi-même tu sais, toi-même tu sais. Personne de trop vrai, je le sais. Un peu d'intimité pour mieux œuvrer. Certains viennent me voir, me disent tu te prends pour une resta. Pas ça, m'en fous du rap game, ça m'intéresse pas. Je poursuis mes études pour être un mec instruit. J'ai croqué le fruit interdit, depuis le rap c'est ma vie. Fuck cette industrie, le milieu des égoïstes. Toujours les mêmes sur musique plus, putain c'est rendu horrible. Ces gens qui font semblant de baigner dans l'argent. Franchement, si t'en attends, pourquoi tu le montres autant? J'reste humble, j'reste moi, très simple, tu vois. J'ai trop le seum, c'est pas le fun à chaque fin du mois. Dis-moi, pourquoi tous ces rappeurs rappent sur les mêmes thèmes? Tu respectes pas la fanga, tu rencontreras ce que tu sais. C'est pute pour de l'argent, les drogues sont toujours présentes. Ils prennent du stupéfiant pour faire illusion d'une vie plaisante. T'as trop d'argent, t'as trop de prix. Tu passes ta journée à filmer des illusions. T'es dans un film, les gens te suivent. Dans tous les quartiers, oui c'est toi des illusions. Toi-même tu sais, toi-même tu sais, toi-même tu sais. C'est juste une illusion. Je sais que je vais de l'avant. Avant que je rappe de pute, de freine, de toutes ces choses futiles. Faudrait qu'on m'ampute du cerveau, que je devienne dingue aussi. C'est vrai que je baisse des salopes, mais pourquoi vous en parler? Je galope dans la merde, mon gars, y'a rien qu'on peut mariner. Et si j'ai la vie difficile, mec, ça me rend fort. Le combat éternel, celui de trouver le confort. T'as trop d'argent, t'as trop de prix. Tu passes ta journée à filmer des illusions. T'es dans un film, les gens te suivent. Dans tous les quartiers, oui, c'est toi des illusions. Toi-même tu sais, toi-même tu sais, toi-même tu sais. C'est juste une illusion. N'exagère pas là, il est 8h du mat. Je déteste le rap, juste pour vous faire savoir. En tout cas, la plupart des rappeurs montréalais. Je veux pas me faire d'ennemis, tu vois. Je parle avec le fond du cœur. Je déteste ceux qui font semblant. Moi, mes textes sont sanglants. J'ai pas le temps pour ces illusions. Je ne dis aucunement que je suis le seul à faire preuve de raison. Mais j'invite le public ainsi que ceux qu'on appelle artistes à une réflexion. Je sais que cet art ne reflète pas toujours la réalité, mais moi, je m'assure de toujours rester frais. Les frères Oya me comprennent, le reste rien à foutre, ils pourront me clasher. Car je sais que beaucoup de mecs galèrent comme moi, on peut pas le cacher. Le rap c'est pas juste du bing bang salope pour te faire danser. J'ai rien à foutre car quand je prends le stylo c'est pour vous faire penser. J'ai pas de femme dénudée ou de billets à jeter par terre, mais tout un savoir à transmettre à ceux qui gardent leur esprit. Yeah, n'oublie ça, nomadic massive, LBJ Woods, c'est la putain de relève, mon gars. Real hip hop shit, dans ta face cyber type. On s'arrête pas, on continue, saoulé, unité. Tu sais bien que l'union fait la force, frangin. Encore une fois, et yo LB. Let them know. Toujours actif, le microphone tranche. Radioactif, il se relève les manches. Aujourd'hui il se prépare pour faire part de ses pensées. Mentalement se sépare, ses mots se gardent, ses lancers. Car quelques lettres forment un ensemble de syllabes. Avec quelques sons pour qu'un minimum d'ambiance s'installe. L'orgie à l'écart, la machine agit sans égard. La magie régit notre arc, le rythme propulse. Même si la philosophie que je te prescris est juste investie. Ce qui se positionne sur le microphone et qui vient, qui part sur ses dits. Je m'agrippe et je parle l'art de mon vocalisme. Assiste à mon style lyrique. Si je t'ai duré, quand tu n'auras pas de bénéfices, Béance Willis, mais ces vies sont pour toi fils. Je persiste, faut pas que t'assises, car à toi y'a des risques sans indice MC. Où sont gelos tes sentines avant maman? Rime-moi, je t'ai gagné film bâtiment, yeah. On va te gagner yeah. Yeah. Hey, yo, single lingo, got you moving like a Jenga. What's with the finger lingering inside your pamper? You lost in translation, I'm a line like a metro line. World circus, bitch, bogus, world leadership, rush to detox. Walk the earth vertical, immersed in blue gold. Hear my R come in 2012, trust wise a must. See my engines runs with three-quarter water filled with biodiesel. The words the lead, the root of facts for the people. On this coast to coast, we got the illest clothes. Covered his face, flipping it quick, we'll stick him in it. The ride is coming close, haters on the show. They did a thing, yeah. Et même ton cyclone, on reste un coup de silicone, on ton tête conne. C'est pas le cash en bas carbone. Pas réveillé, force en bout. Ça qui vaut là, c'est pour vous. Ma prio coupe pas des culs sous microphone, nous on calalou. Météo sous garde à vous. L'OM, fait un coup, pas WEM. Tout pas ta envie, y'a un problème. Problème, quoi prétendre son paillé. Dans ton coup émaillé, reconnaître qu'on toyait pas le gars. Yes, yeah. I'm in the hard, no time to talk. Me pipe, I'm in the damn debate, my world switch to road. My name is Jack Walker, world is Walker. Just take your pencil, keep riding until the sun rises. Was born with the rap, back to back I'm trapped. Like I'm feeling nice, to say that like an athlete. Supposed to be fresher, music is a gold digger. I'm supposed to be sicker, microphone checker. Promo solo, oh no, I'm feeling I'm mental, I'm so. Flash, spotlight sur ta face. Blast le message, tâche de ménager. Mâche pas tes mots, ta. Fais tes devoirs, bonhomme, l'histoire t'as pas vu passer. L'humilité qu'on voit pour durer va falloir te tasser. Lassé, mic dans la main, effet de magicien. On crée le tout, le rien dans le souterrain. Fais notre bout de chemin, tu ne peux pas censurer. Avant de t'aventurer, pense deux fois à ta vocation comme la. On this coast to coast, we got the illest clothes. Driving it safe, flipping it quick, we're sticking in it. The ride is coming close, haters always show. They did a thing with us so good. I got easy, breezy, cover girl steezy. See me, meanie, watch the swerve, sweetie. Don't like greedy, for sure ain't needy. Rhyme books feed me, beats they please me. Seen these rude boys act real sleazy. Mac like cheesy, pimpin' really. Stick to the TV, keep it on repeat. Do this often, rah, like a ragamuffin, Ragadovsky, off the hizzy out the coffin, rip off the chain, get off the train on purpose, when I choo-choo, enough the beat go, I missed the mark off by this much, I didn't choke, thought provoked, cleared by focus, break bread with a bunch of nomadicals, the massive music in my heart like an artichoke. Vocabulario tipo vicioso, verbos activos, ese chico vivo conocido por su buen oído, expresivo más distinto que lo típico, dejando conjuntos destruidos, si yo le persigo. Dale chicos, da rico que se vuelven adictos. Menos esos machitos incapaz de pensar sin su pito. Pero si te llega complicado te lo explico. Puta te mata el baile en Buenos Aires con paso fijo. On this coast to coast, we got the illest flow. Driving it safe, flipping it quick, we're sticking in it. Nobody's coming close, haters always show. They did a thing with us. Appelez la garde. Il possédait un pouvoir effrayant, si puissant que ceux qui s'y aventuraient et les affrontaient étaient tués sur le champ. Et seulement deux hommes ont réussi à survivre. Garde, mais ne se rend pas. Garde, mais ne se rend pas. n'oublie pas, ne casse pas. Meurs mais ne se rend pas. Meurs mais ne se rend pas. Meurs mais ne se rend pas. N'oublie pas, ne casse pas. La route s'arrête là au bout de mon sabre. Les sages qui entrent ici le savent. Les braves sans une larme sacrifient leur sable. Je suis prêt pour ça. Vive où la rose ne pousse pas. Tenir le micro comme un katana. Briser l'ennemi en combat. Les plaines plieront sous nos sabots. Qui plieront sous Nabo. Tremblement de terre c'est haut. L'obscur lâche ses héros incandescentes. La maître de l'art ancestral expert en technique martiale. Te voilà tue de nos gigas. Mars, bastion de la rébellion. Prêt à guerroyer contre la répression. Sanctionne sans sommation. Nomme tes témoins. Donne l'heure pour la confrontation. Pour lui démonstration de notre dévotion. Armée de Stormbringa, la peur se tire. La journée pour vouloir fuir, se repentir. Courir, durcir, jouir, courir avec le sourire. Finir l'épée au poing, tête de facho dans la main. Oublier demain, s'évaporer comme la fumée d'un joint. Mais le triste sire aspire à conquérir la terre. Rassembler les légions sous la bannière de la maison mère. Embrasser vos fermières, l'odeur de fer dans l'air. Annonciateur des flammes de l'enfer. Éveille l'esprit de nos cimetières. C'est le Minamoto, je prends, j'y monte tantôt bien haut. Kama entre les dents, les ronçonnes la charge. Tu les coiffés l'ont fui face au fléau. Fléau, fléau down, power dans le dos. Rejoins le très haut. Je boute les gueux hors du sentier. Traque les mécréants, les changeant pas le premier. En serviteur dévoué, décalé par mes étriers. Sur mon fier destrier, j'en tripaille au nom de mes armoiries. Et nous compterons nos glorieuses batailles lors d'un banquet. Flashback sont nos conquêtes passées. Entre deux gibiers plantés au centre de la table ronde. Le blason pour que tous n'oublient pas. La garde meurt mais ne se rend pas. Posséder un pouvoir effrayant. La garde meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. N'oublie pas, ne casse pas. Meurt mais ne se rend pas. La garde meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. N'oublie pas, ne casse pas. Meurt mais ne se rend pas. La garde meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. N'oublie pas, ne casse pas. Meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. N'oublie pas, ne casse pas. Soldat constat, vu de haut la plaine se dessine. Trace la fresque pour mon estime. Sauf faille mortalise la. La félonie a failli venir vêtir. Mais une troupe résiste avec la hargne du désespoir. Dans ce cas, le légal lègue entre en action. Force mais de croire qu'il faut un exemple. Capitaine en haillon, allons-y donc fils. Consultez les grimoires tentant qu'ils sombrent dans la folie. Qu'importe les méthodes, le nombre ignoble. Donc serait-ce que capitule les écervelés sous ma colère. Chèque n'a pas de sens. Vois le champ de bataille. Le château réduit en cendres, les troupes en tenaille. Leurs gentes dames viennent supplier jusqu'à faire don leur corps. Mais le feu est mort, la paille n'offre plus de confort. Reviens à la réalité, petit, choisis ton ici. Maintenant ton camp, c'est ton dernier choix. Subis la mort ou la loi. Jeter le camp ignare, espère un duel avec le duc. Ton âme appartient déjà à Stormbringer. Ce halo noir qui surplombe ma victoire. Moi du haut de la falaise, pour croiser ma botte sur un toit. Lieutenant, rassemblez la horde de loups. Vite rejoindre Shuriken pour la dernière shoot. En route, si vous croisez un étendard avec une flamme encore intacte, brûlez puis tranchez les têtes qui dépassent. Je finirai les incantations pour protéger enfin la maison mère. Merci à Jiquet, c'est rapace, eux ou nous. Les arts seront choisis, alors la prophétie fatale s'accomplit. Le hip-hop déchaîne son courroux. Une vision loin, mon frère son rictus. Car la pierre rituelle pour fendre ses adversaires, tout s'installe. Mon épée des mon siffle, sans sourd qui m'enivre. Et bronne ma monture, cabre, charge droit devant. Les cendres et les corps témoigneront que tout le monde se souvient ici pas. La garde meurt mais ne se rend pas. Et seulement deux hommes ont réussi à survivre. La garde meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Ne plie pas, ne casse pas. Meurt mais ne se rend pas. La garde meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Ne plie pas, ne casse pas. Meurt mais ne se rend pas. La garde meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Ne plie pas, ne casse pas. Meurt mais ne se rend pas. La garde meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Ne plie pas, ne casse pas. La garde. La garde meurt mais ne se rend pas. Paf la rage, Shuriken. Gros classique du rap français, selon moi, bien sûr. Juste avant, on avait l'épopée du microphone qui est du duo LB et Woods, collaboration spéciale avec Nomadic Massive, un autre groupe qu'on aime bien ici à l'émission. Puis on a commencé le bloc avec... une découverte ici à Montréal, c'est ABCZ, ABCs, avec la pièce Illusion. J'espère que vous avez apprécié le petit bloc. Là. Je pense que ouais. En fait, je continue en vous parlant d'un party de lancement du groupe Murderface pour le EP Face of Death qui aura lieu le vendredi 18 mars au Patrovice du 356 Mont-Royal-Est à partir de 20h. En fait, les portes ouvrent à 20h, c'est 7$. Alors, pour ceux qui veulent savoir mais qui sont, mais qui est Murderface, alors c'est un groupe de Montréal du côté, en fait, qui font du rap en anglais. On a parmi les membres CL, Cynical, Charling, ainsi que The Technician. Alors, le groupe sort son EP qui, en fait, le party aura lieu le 18 mars prochain, pas trop vite. Et en fait, on aura également des performances de Penzo Gritty, de Spook One. On aura également la collaboration de Art Cons, de Boom Bap Cats, Logic Johnson, El Cotola, Aspect Mendoza et d'autres artistes. Et pour terminer la soirée, il y aura des DJ qui feront des DJ sets. On aura DJ Menzo, Johnny Hildegger, Master Beater. Alors, pour ceux qui aimeraient écouter ce que font Murderface, je vous invite à aller faire un tour sur leur site web, soit le murderface.bandcamp.com. Vous pouvez vous acheter le EP au coût de 5$, si je ne me trompe pas. Sinon, voilà, vous pouvez vous rendre au lancement et vous pourrez acheter l'album, le hippie, puis encourager le rap anglo, Cynical, yes, entre autres. Qui, shout out à Cynical, grand champion anglophone, 11 check 2010, Freestyle Battles. Yes, yes. C'est notre boy, la famille, la grande famille, 11 check. Alors voilà pour le lancement du groupe Murderface. Sinon, pour ma part, je vous parle de l'équipe Gâteau Érudit. En fait, depuis déjà janvier, on a notre site internet, le www.gâteauerudit.com. Là-dessus, vous avez tout plein d'informations, des résumés écrits de l'émission par notre boy Caïman, des articles, des textes d'opinion, tout ça à voir. Puis déjà, comme on disait en introduction d'émission, la vidéo de la semaine dernière avec Card et Freddy Grossum est déjà rendue au-dessus de 4300 views en même pas une semaine. Donc, continuez de visiter le site, on apprécie. Sinon, vous pouvez aussi lire nos textes et critiques d'albums, des nouvelles via le site hhqc.com et on a aussi nos critiques d'albums sur enmusique.ca dans l'onglet hip-hop. Donc, je vous invite à aller faire un tour. Puis sinon, ben, vous pouvez vous abonner à nos pages officielles via Facebook. Donc, c'est facebook.com/ghettoerudit et pour tous les Twitter de ce monde, c'est ghettoerudit sur Twitter. Donc, venez nous parler, on est bien sociables. Sinon, le jeudi 17 mars, au Beau Bar du 4328 Saint-Laurent, il y aura le groupe Heavy Sounds qui se produira. Heavy Sounds, groupe qui rappe majoritairement en espagnol. Alors, ils seront au Beau Bar à partir de 20h. C'est 7$ à la porte. Donc, allez checker ça le 17 mars prochain. Sinon, en fait, je pars en musique et j'ai également trois pièces pour les gens qui nous écoutent. Alors, on commencera avec... Ben, en fait, on aura une pièce... Throwback Rain Man avec Pat Chilling. Oh. Yes, de l'album Armageddon. Et on aura le 13e étage, on en a parlé, le lancement qui aura lieu le 29 mars au Belmont, oui, au Belmont. Et aussi une visite dans les studios, oui, bientôt, à venir. À prévoir prochainement. Alors, leur album T'inquiète qui sera en magasin dès le 29 mars prochain. Alors, on aura la pièce T'inquiète featuring Chachou. Et on débute le tout. Je viens de vous parler du lancement du groupe Murderface. Alors, on aura la pièce Murderface de leur EP The Face of Death. Alors, on commence tout ça sur les ondes de CSM. I'm a gorilla with it. I'm a gorilla with it. Yeah. Faces of death creating a mess. Yeah. Bring it to your front door. My fountain pens be raising the dead. Hair scrawl, my skin is just shed. At the sight of moonlight, transform into a beast in some bed. With a pen about the feast on arrest. Yeah. No conscience and nonsense introducing a reaper of death. Yeah. Each stroke is like a semen from sex. Love it when you hear it. Your difference is one of your deepest regrets. I leave them upset, thinking outside of the box. A hellraiser, pins in my head, thinking thoughts to amaze ya. Then bringing death when I talk, and you're only waking up in the morgue. So tag them with workers abroad. More action than a merciful lord. Tape mask in a beautiful broad. They fast and I'm downing on yours like Mr. Lecter. My lectures leave me stuffed on a wall. Okay, coffin music and glorious masters. Your best is corny as crack is jack. You don't know whack with the flow. Not even practice can match this. Go burn yourself with matches. Stuff you in your mattress. Splashes of blood. There's flashes. Mix with patches. Scratches. Itch it cause I kill you at cats. Fuck a backpack. And your whack tracks. You're all ass back. So back your ass up. Out of my face. I'm out of this place. Out of my mind. Soon you will find. Lost in the found. Profound. But I'm still in the minus. It's all about timing and keeping it timeless. Call me me. The rhyme prince call you jellyfish, but not because you spineless. You fucking vaginas, you fucking with the miners deep in the underground. The ledge is deep, some miners down. My mind is deep like Deepak Chopra. So don't quit your day jobs like Oprah. It ain't copyright, so I'm hoping you kill yourself. Take your life, save the strife, blazing knives or a razor right through your ventricle. Left or right, down the road, not across the street. Had a kitty, having a heavy carry, having a bad day. Suffice to say, but I might as well stay. Murder face conglomerate, huh? But we don't spit shit, we vomit it into a glass to make you swallow it. Make you bring that shit right back and gargle it. Laugh at you, ask what you like that, it's all of it. Raise where the drama is, so gangsters who can't suit you are headed straight to where your mama lives. Stay away from politics, elections only produce broken handshakes and promises. So if you can't walk it, don't talk of it. Me being a problem is a lifetime accomplishment. Be seeing a coffin if your life wants a target is. About to see if you gon' like how the talk is. Don't start the shit. Clash with me, we'll leave the cop and gasoline. Used to light your apartment. And I'll admit, got a really cold heart. When it's time to seek revenge, you can bet there's no stopping it. If you a 9-to-5-er, I'll hit your offices. You on the grind, guess I'll traumatize the block a bit. Out of my mind, ain't no time to get the officers. So don't cross the kid, cause I do not forget. This is your last warning, juggernaut's coming. Clear a path for him, knowing I'm not sunning. You're a drizzle to my mad torrents. Fuck rappers, time for skull crack. You could get left with feelings of regret. It's back for it, ain't nothing to clash. I'll love your ass, I'm fast forward. I'm past morbid. Put your trap until it closes. Shut your pain and fat doses. Change your look for your whack posters. Witnesses like, what the fuck is that over? When I smear blood in your door, like Passover. You refuse to peep what I taught you, now class over. What about your mans? I think he a fit. And he wouldn't have odds even if he wasn't a snake. You couldn't copy this with hundreds of tapes. So if you spend a bunch of days just studying tapes, you couldn't get ill like this, our consumption of waste. You couldn't go troll like this with a pumping in place. You fucking with grace, forget it, just go jump in the lake. Face. Get cool. Dans le 13. Pas de doute, c'est sûr, c'est certain. C'est officiel. Officiel. 13ème étage. 12ème étage. Bam, bam, bam, bam. 15ème étage in the house. 15ème étage in the house. 15ème étage in the house. Comment je dors, quoi? Encore moi. Tu connais le format. Soldat, tu connais 13ème. Tu connais Cobna. Tu verras si tu sors là. Tête de ton cul. Check, t'es vendu. T'as beau, mais tu mords, quoi. Sonne là. Charge, sonne là, l'arme. T'es tombé sous le poids des mots, t'es tombé sous le charme de ma formation. Peu importe, on sent le sang qui est hors du coma. Et mon réel sort du coma, tu sais. Méfie-toi des apparences, on se fait un programme. Le passé c'est un rodage qui m'a permis d'aiguiser mon âme. De long en large, du boulevard loin, notre âme. Les rumeurs planent, de m'si en panne. Que un plan pour nous faire tomber. Comme du recul pour mieux avancer. Le guerrier n'a perdu son âme. Un silence avant le vacarme, fait un contre qui on s'acharne. Le feu, c'est mon élément de jeu. Loin d'être élégant, t'as rien fait. C'est pas parce que t'es vieux que t'es un fait, t'es grand. One shot for my brother, for the brother. Two shot for my lady, there ain't nothing wrong when you hear the song. Shot you, got the beat on life. You know what I'm talking about. T'as lâché le rat pis t'as bien fait, t'inquiète. 13ème bat with a vengeance. Cours vite vers l'exit au bout de ta ma médecine. Contagieux, mes veines froid pire qu'une méningite. T'as besoin d'exercice, j'suis bon pour les olympiques. On est sur du noxie, j'ai toutes les connexions. HHQC, les rimes c'est des projectiles. Pour toi c'est l'exil, pousse-toi au Mexique. J'ai tant que j'respire, t'inquiète. J't'intègre, j'en vois pas qui sortent la tête pis y'ont rien fait. Simple, hardcore, simple, j'suis pas fort. J'fais plein de bruit pendant toi tu fais le mille. t'es pas gangster, t'es une princesse. M.O.B. fidèle à mes princesses. Plus le même soir, mais c'est toujours le même style. C'est ton respect pour que tu t'inclines. One shot for my brother, for the brother. Two shot for my lady, for the lady. There ain't nothing wrong with it. Hit a song, shot shoot, we got the beat on lock. Hey, you know what I'm talking about. Cats and the cats in the house. Cats and the cats in the house. Cats and the cats in the house. Les yeux sont rivés sur moi. T'es inquiète, tout ce que je dis n'écoute pas. J'suis un bec, j'suis qu'un bec. T'inquiète, c'est le trait, c'est le virus qui t'infecte. Les yeux sont rivés sur moi. T'inquiète, tout ce que je dis n'écoute pas. J'suis un bec, j'suis qu'un bec. T'inquiète, c'est le trait, c'est le virus qui t'infecte. J'ai tout. Bum bum bum bum bum. Matérialisme dépravant, clairvoyant, fort croyant. Je connais pas de paresse, pas de sommeil sans fin. J'ai attendre quand le temps vient. Rien que c'est jamais en vain. Faut que je trouve un job. La vie peut pas chaque jour être plaisant pour tuer le temps. C'est un réel de tous les jours que t'aimes. Arrête ton cancan, comprends qu'on rentre brillamment. Y'a pas de chilling, pas de feeling, pas de semblant, tu m'entends. I hear what you're saying, you be trying. The words I'm displaying. Preacher of the sad life, pretending ain't no time for playing. Arrête ton cancan, comprends qu'on rentre brillamment. Y'a pas de chilling, pas de feeling, pas de semblant, tu m'entends. What you saying, you betraying the words I'm displaying. Preacher of the sad life, pretending ain't no time for playing. Arrête ton cancan, comprends qu'on rentre brillamment. Y'a pas de chilling, pas de feeling, pas de semblant, tu m'entends. Yeah, I hear what you saying. Yes, de retour à l'émission Ghetto Érudit. Le bloc de Noël était M-O-N-G. On avait Murderface, 13e étage. Puis on vient de finir avec un classique, Rain Man. Pas de chilling, sérieux. C'est fou comment on la bombe souvent, ce track-là, mais c'est parce qu'on la... Ah ouais. C'est trop un classique. Tu sais, il y a des tracks là, que tu tentes pas de réécouter, t'sais, même si ça fait quoi, 10 ans plus tard. Un jour, les gars vont venir la faire live. On va inviter Sabrina aussi. Ça, ça vous, je serais méga down avec cette idée-là. Donc, toujours dans la place à être, on a Soul Candy Man. What's up, man? Je suis là. Tu viens de tout juste de sortir ton projet Sound System. On a assisté à ton lancement cette semaine au Jukebox. Oui. Pour commencer, félicitations, même. Tu as réussi à déplacer des gens cette journée où c'était une piscine à ciel ouvert à Montréal. On s'entend à Venise, man. Man, il y avait beaucoup de monde quand même. On a eu du fun, nous autres, là-bas. Puis, les prestations, ouais, tout ça. Écoute, j'ai pris du temps pour écouter ton projet. Tout ce que je peux dire à date, c'est que c'est très rafraîchissant. C'est quelque chose, justement, l'été s'en vient, le soleil commence à sortir. Je crois que ça va faire le tour de la province. Parle-nous un peu de ton projet. Là, je vois qu'il y a beaucoup de collaborations là-dessus. C'est la famille proche, tout ce monde-là? Moi, en général, c'est toute la famille proche. Tous les artistes... avec qui j'aime bien travailler en général. Donc c'est pas des featuring que j'ai juste approché comme ça, c'est des gens que je connais. Puis c'est ça, j'aime bien mieux travailler avec des gens que je connais bien puis qu'on a une chimie ensemble qu'avec juste des noms pour faire du business, comprends. Est-ce que tu peux nommer un peu les gens avec qui tu as collaboré là-dessus? Bien entendu, The Fresh Makers. Yes. Qui est Karma Chica, Dirty Taz, Wally Sparks, Soke, DJ Chachou et DJ Good Vibes. Et non, Marco Volsi. Oui, nouveau venu. Et puis, à part ça, il y a les gars de Québec, Webster, Eman d'Acrophone, Autodidacte, Jody Rester, Jazz, King Shadrock. Yes. Dope. Face T, Culture Connection aussi. Oui. Et beaucoup plus. Puis comment tu définis ton style? Tu fais un peu... Moi, au départ, je croyais que quand je t'ai connu il y a quelques années, je croyais que c'était seulement anglophone. Finalement, découvre que la partie francophone... Mais je crois que tu avais une mixtape comme anglophone qui était sortie, right? Ouais. Donc c'est ça, c'est là-dessus que j'avais découvert. Donc par la suite, bon, tu fais des trucs en français, plus la vibe reggae. C'est ça. En fait, tu t'en vas où avec tout ça? J'ai commencé en français. OK. Puis après ça, j'ai décidé de faire un projet en anglais, en patois, pour expérimenter dans le reggae et tout, juste pour le plaisir. Puis ça a donné de quoi de bien cool. Puis après ça, je me suis dit qu'il fallait que je fasse de quoi en français pour planter mon drapeau québécois sur la terre québécoise, parce que c'est sûr que je vais entreprendre une carrière internationale en anglais. Mais c'est trop important de laisser ma marque, mon étampe au Québec avant de partir. Fait que ton projet à la base, c'est un mélange de reggae, de hip-hop, d'électro. C'est ça que t'écoutes en ce moment, tes influences? Ouais, en général, c'est des musiques que j'aime bien produire. J'écoute pas vraiment d'électro, j'écoute pas mal plus juste du reggae. OK. Jazz, plusieurs trucs. On se rappelle à l'époque quand il y avait eu justement Culture Connection, Face T, les gens connaissaient pas encore son histoire, il avait été un peu critiqué par rapport à son accent, tout ça. Ouais. Là, les gens, ils voient ton truc, ils sont comme « Wow, c'est un rouquin qui rappe avec le patois. » Tu réponds quoi à ça? Tu répondrais quoi à ça? Je réponds que il n'y a pas de limite, tout est possible, les seules limites que tu as, c'est dans ta tête. Die, c'est bon. B-Brain a aimé cette réponse. Il s'attendait genre à... Non, je m'attendais à autre chose, mais bon. Au niveau de la production, je sais que tu produis. Est-ce que tu as entièrement produit ton truc? 12 tracks sur 15. 12 tracks sur 15, donc j'imagine les autres... qui sont les autres qui ont collaboré là-dessus? Les deux autres, c'est DJ Chachou et Chalmo Jazz. Chalmo Jasmine, à ne pas confondre avec Jazz. Ouais. C'est un des membres d'Autodidacte de Québec. Québec. Yeah. Puis bon, déjà, tu nous as sorti deux vidéos. Il y a l'étage souterrain. Oui. Ça a fait du bruit ici à l'émission. On l'a joué, je crois que c'était une exclusivité qu'on avait. Pourquoi t'as repris ce track-là en particulier? Parce que c'est le premier track de hip-hop québécois qui était du vrai hip-hop québécois pour moi. OK. C'est le premier track que j'ai entendu et que j'ai fait « Ça se fait comme ça? » OK. Fait que avant, il y avait Domatic, mais les autres casques qui rappaient avant, c'était plus avec un accent français. Ouais. Donc, c'est le premier track... Rugged, cru. Joual style. Joual, franco, joual, créole. Donc, it blew my mind, man. Puis, t'as-tu des commentaires de SP par rapport à ça, lui? Il en a pensé quoi? Ouais, ben, ça donnait que je marchais sur Saint-Laurent un jour cet été. Un soir cet été. puis je l'ai rencontré, puis là, j'ai fait écouter le track, puis il était sans mots, mettons. Il était comme revenu à l'époque où c'était sorti, étant donné que c'était une époque beaucoup différente, bien différente pour tout le monde. Fait que c'était comme reminisce, c'était comme je l'avais rapporté à cette époque-là, puis il était vraiment... je pense que ça y a fait chaud au cœur, puis je pense que je l'ai bien représenté aussi, j'ai bien rendu hommage, puis c'est ça le but aussi. D'ailleurs, quand tu l'avais performé au... À HQC, Québec, ouais. HQC, puis justement, SP était en stage. C'était stage, ouais. Dope. Ouais. Puis sinon, bon, il y a eu lancement, mais il y a eu une vidéo qui est sortie, une belle production de 16 Pads, encore une fois. Puis c'est assez original comme concept. On te voit toi avec tous les Freshmakers, puis au travers de ça, il y a l'entrevue. Parle-moi un peu de Mouthpiece. Je viens de comprendre, le beat est produit par toi, mais pas avec des machines, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ben, en fait, j'étais chez nous un soir, je me fais un souper avec une belle bouteille de vin, j'étais solo. Puis j'aime bien ça être seul puis faire de la musique, puis ce soir-là, j'avais pas d'idée, puis j'étais comme, faut que je crée quelque chose, parce que ça faisait tant de jours que j'avais pas rien fait, donc j'ai un quota comme les policiers, tu sais, mais moi, c'est un bon quota. puis là, je me suis dit, OK, je vais faire un beat. J'ai toujours rêvé faire un beat avec ma bouche, avec juste les bruits de ma bouche. Je l'avais jamais fait. J'ai dit, OK, on le fait, let's go, let's do it. Puis ça a donné Mouthpiece. J'ai envoyé le beat au gars, au Freshmakers, au gars du team. Puis j'ai dit, OK, le concept est simple, c'est Mouthpiece. Si les gens veulent voir ton vidéo, là, en ce moment, c'est un site internet, c'est sur ta page HHQC. Tout le monde peut avoir comme référence facebook.com/SOKEMUSIC. OK. Sinon, il y a facebook.com Freshmakers. Il est où? Silence d'or. facebook.com/silence d'or. OK. Ça, c'est la référence. Donc, allez voir ça sur internet. C'est un très beau vidéo. Nous, on va le pousser aussi via gâteauxready.com. Yeah. Allez voir ça. Puis sinon, je sais que tu produis beaucoup de trucs. Pour qui tu produis dans la scène au Québec? Présentement ou pour qui? Ben, en général, là, j'ai vu que tu produisais des beats. T'as sûrement des trucs qui ont sorti sur le projet. Donne la liste. Je fais des collabos, ben les derniers qui ont sorti leurs albums, j'ai sorti des. J'ai fait des collabos avec tous les gars de 7e Ciel. Ouais. Karma aussi, mais ben on sait. Avant qu'on se connaisse puis qu'on soit vraiment dans le même team, j'ai fait des collabos avec Karma. Qui aurait cru Journée de pluie. Ouais. Trois pièces sur l'album à Karma? Non, un beat sur l'album officiel, mais on a fait une collab sur le Karma et Chachou. Là. OK. Avec Wally Sparks. Sinon. Dirty Taz avant que je rentre dans le team aussi. Jazz. Ouais, aussi. J'essaie de trouver des noms plus connus, mais Jazz aussi, j'ai pas vu son album. Pour ceux qui connaissent Paranoise, il y a son album qui est 100% réalisé par moi. Dialect. Ok. Ah, quand même, une bonne liste. Ouais. Si on est pour partir avec un bloc musical, quelle pièce t'aimerais nous présenter de ton projet? Est-ce que vous avez joué souvent l'étage souterrain ou vous voulez qu'on la track? Pièce, elle a roulé pas mal à l'émission. On va y aller avec la A150 avec Autodidacte. La numéro 2. Produit par le gars d'Autodidacte, c'est celle-là? Yes. Ouais. Nice. Ouais, donc, on écoute ça sur la marche, quelques pubs et on revient ensuite avec le Mongness et les Freshmakers, you know? On me donne des pots de vin, puis encore des caves qui jugent par la couleur de la peau, man. Les dark shit, ça se promène. Moi j'arrose l'arbacane, toi t'es encore rien qu'une petite pommette, hein. Passe le cochon, bang, verse-moi du coup de champagne. Moi je chante, man, je prends l'acteur comme Sean Penn, hein. On vit souvent sans paix, pas sans peine. Pour me rendre chouette, j'ai creusé mon tunnel sans pelle, hein. La rue a des oreilles, mais sur les murs c'est la canne qui passe. On gêne des gens et des gens, car c'est des gènes, t'as des gènes cannibales. J'ai un appétit digne de pente cruelle. Pendant que prennent l'entrée principale, moi je me garde à la rue. Les rides sont pleines à craquer. On roule à 150 sur le highway. Le volume des hommes est bien craqué. Débouche ta corona, je suis prêt à trinquer. Yo, pendant que le monde bouge autour, moi je suis là, je fais mon taf. Et comme le web, tu peux me comparer aux vieux de la montagne. Et quand je ride à 150 sur le highway, it's ok, that's why it's beautiful day. T'as vu comment les journées passent quick. Et si vite les saisons qui changent au travers de ma vie, la roue tourne dans le bon sens pour nous. Et ça c'est certain, j'essaie de m'y mettre au max quand je me lève le matin. Y'a mon esprit pollué autant que l'air de la planète. International comme des graphes faites avec des canettes. On fait nos trucs et rien ne sert de jouer les starlets. J'essaie de cacher mes yeux rouges derrière mes lunettes. Donc, les rides sont pleines à craquer. On voit la 150 sur le highway. Le volume des orbes est bien craqué. Débouche ta corona, j'suis prêt à trinquer. Yeah, la la la la la oui. Prends des mic, man, à ballon. Yo, gimme pour nanny. Amène tes amis. Sex et Britney. La vie. Oh yeah, yeah, yeah. J'suis pas la vie. J'accède dans ma manière de la savourer. Veux faire de l'eau, c'est pas le bon instant. J'prends du sunrise, j'take une chicks dans mon lit. Rude girl, elle est vraiment trop sexy. Et contribue au succès. Avec vous j'passe ton haïti. Les rides sont pleines à craquer. On voit la 150 sur le highway. Le volume des orbes est bien craqué. Débouche ta corona, j'suis prêt à trinquer. Informés sur tous les concerts qui ont lieu à Montréal? Une seule référence, Camus. Le seul magazine gratuit dédié uniquement à la musique. Pour découvrir toujours plus de concerts, va sur camus.ca ou profite de la version mobile m.camus.ca. Avec Camus, c'est dans la poche. Magazine disponible dans les présentoirs Pop Media. Tous les jeudis dès 19h, c'est la session live en direct des studios de CISM. À chaque semaine, un artiste invité prend possession de nos ondes pour une heure de prestations, d'entrevues et de découvertes musicales. Jeudi le 17 mars, la session live reçoit Mon Oncle Serge. Le soleil se lève et les visages pâles se ruent dans les couloirs du West Edmonton. Il y a tant de marchandises et de choses impossibles. Je vois des bateaux, des dauphins, je vois des submersibles. Je vois des requins, des guissoires, je vois des patinoires, je vois des manèges, un casino, des croupiers. Soyez au rendez-vous dès 19h sur les ondes du 89.3 FM, La Marge. La session live à CISM, une présentation de Solothèque. Rise Against. L'excellente formation punk rock de Chicago présente son sixième album, Endgame. Incluant la pièce Help is on the way. Retrouvez Rise Against avec un son toujours aussi pertinent et actuel. Endgame, en magasin le 15 mars. C'est ISM. Yeah. Yeah, yeah. Bon, on aime ça. C'est là que ça se passe. Et voilà, confirmé. et l'arbre est dans ses feuilles. Marie-Laure, Marie-Lé. C'est ça. Ça, c'est sur des ondes de voyons donc. Ah oui, la radio... Qui s'inspire des dieux grecs, qui fait sourire beaucoup, beaucoup. Selon moi, la meilleure... CISM, la marge. Plein de bijoux là-dessus. Alors, ça va être du gros stock et de la programmation indéniablement infaillible. Le show le plus mort en ville se poursuit. Alors, on monte le son, ça va être mental. Bonne écoute. Let's go. Du 16 au 26 mars, le jazz sera sur toutes les lèvres. Pour sa 11e édition, Jazz en rafale célèbre le jazz au féminin. 24 concerts à l'Astral et au Upstairs et une centaine d'artistes, dont Jerry Allen, Elisabeth Contomanu, Terry Lynn Carrington, Linda O, Shimrit Shoshan, Jane Bonnet, Géraldine Laurent, Julie Lamontagne, Min Ranger et bien plus. Jazz en rafale, c'est aussi le concours de la relève Jupiter Van Doren et des classes de maîtres avec de grands artistes internationaux. Toutes les informations sur jazzenrafale.com. Un événement présenté par Télé-Québec, l'ULUB et Le Devoir. Après plusieurs années d'études en laboratoire, nos experts s'accordent pour dire que 9 dentistes sur 10 recommandent une bonne brosse. Et pour ce faire, ils vont tous à l'ESCO! En mars, on vous rentre dans les dents avec le 11e anniversaire. Vendredi le 4, les indésirables, les bâtards et le samedi, Death Boat. L'ESCO, pour un blanchiment de la mémoire ultra efficace. 44-37-11 et demi! Les Breastfeeders sont de retour avec leur 3e album, Dans la gueule des jours, en magasin le 8 mars sur Blow the Fuse Records. Ne manquez pas le spectacle lancement qui aura lieu le 10 mars à La Tulipe. Les portes ouvrent à 20h, le spectacle débute à 21h. Billets disponibles sur le réseau Admission et à la billetterie de La Tulipe. Téléchargez gratuitement 400 000, le premier extrait sur lesbreastfeeders.ca. Une présentation de Bon Sound, Blow the Fuse, Boréal et CISM. CISM 89,3 FM. Yes, de retour au show le plus mong en ville, Ghetto Érudit, la radio officielle d'HHQC.com. You know what it is? What? Toujours dans la place à être avec So-K-D-Man. Et une partie des Freshmakers. On a Karma Achika, Wally Sparks dans la place à être. What's up, les gars? On est là, on est dans la place. So, bon. Tout le monde, qui fait partie de Silence d'Or en ce moment? Parce que là, il y a beaucoup de noms, de visages. Donnez le mic à Carlos. On va donner le mic à Carlos. C'est une longue liste, là. La liste s'allonge de jour en jour. Écoute, niveau artistique, ben, c'est, évidemment, ça a commencé avec Karma. Ensuite, il y a eu Chachou, il y a Wally, il y a Good Vibes, il y a Soke, il y a Dirty Taz, il y a Marco Volsi. Là, il y a les filles, les garçons. Ah ouais, vous avez signé. On va se rajouter à notre équipe. Tant qu'il y a des moves puis qu'il y a de la place pour faire ces moves-là. Ben, c'est différents moves. C'est toute une stratégie dans le sens que dans la manière de développer tout le bassin artistique de l'équipe, c'est vraiment de rechercher la complémentarité au niveau des genres, au niveau des styles. Quoi. Okay. Si vous reproduisez le professionnalisme et le travail de fou d'acharné que vous avez fait pour Karma, ça risque d'être terrible pour cette équipe-là, sérieux. Ben, on espère, puis là, tu vois, c'est le prochain, c'est Soke. Ouais. Tu vois, puis on suit un peu la même stratégie, un peu comme avec Karma, on avait sorti l'album Karmapolitain, puis on avait buzzé sur le street shit en premier. Et là, on a l'intention de faire la même chose avec Soke, apprendre de nos erreurs qu'on a commises avec Karma, puis capitaliser sur le bon. Puis arriver pour l'automne, puis être prêt à sortir ce qui devrait être un album vraiment, vraiment rafraîchissant. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup de monde semble nous dire lorsqu'ils entendent Soke, c'est que c'est nouveau, puis c'est juste frais, tu comprends, c'est Freshmakers, c'est ça le puis thème. Si on parle juste business, au niveau business, toi, t'es pas un rappeur à la base, t'es le manager un peu de tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'un artiste se démarque, que t'as le goût qu'il se joigne à l'équipe de Silence d'Or? Ben, quels sont les critères que tu recherches? Ben, la première chose, c'est que ce qu'on dit tout le temps chez Silence d'Or, on fait pas de développement artistique, on fait du développement de carrière. Ouais. Donc, la première chose que je recherche, c'est des gars qui ont déjà des carrières en branle. Comment? Il faut qu'il y ait déjà ce mouvement-là. Ils doivent être capables de m'offrir une carrière sur laquelle je vais travailler puis développer. Prends un exemple, Soke. C'est son temps. Là. Écoute, Soke, il débute de la vingtaine, puis le gars, il a déjà réalisé plus de 10 albums. Au niveau réalisation, ouais. Donc sur le côté professionnel, il est producteur, il est auteur, il est compositeur, il est interprète, il chante, il fait en plusieurs langues. C'est un gars qui a roulé sa bosse dans toutes sortes de contextes, dans différents genres, différents styles musicaux. Il fait le tour de la province aussi. C'est ça, tu sais, puis dans son développement underground, il est présent, il est omniprésent, puis tranquillement, pas vite, il s'est établi, tu comprends? Donc, il est venu à un certain moment où moi, en tant que gérant, tout ça, producteur, je regarde le talent qui s'offre à nous, qui est disponible, puis ce genre de talent-là est très rare d'une part, puis deux, cette étape dans l'évolution artistique d'un artiste, c'est un point culminant, puis il suffit d'identifier à quel moment tu signes ces gars-là, tu sais, avant que quelqu'un les signe, tout ça, mais il faut qu'ils soient prêts. Parce que justement, je fais pas de développement artistique, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Je veux tous des artistes qui ont déjà qui ont découvert leur son, ils ont établi leur voix, ils savent exactement où ils s'en vont, ce qu'ils ont à offrir. Donc, ils sont prêts à passer au prochain niveau. Ouais. Puis si on parle justement là, au niveau de Silence d'Or, bon, là, depuis quelques temps, j'ai cru comprendre qu'il y a un collectif qui s'est formé. En fait, c'est pas non plus un hasard si tous ces artistes-là sont réunis ensemble. Il y en avait plusieurs qui avaient déjà collaboré les uns avec les autres par le passé. C'est ça. Mais si on en revient au concept Fresh Makers, est-ce qu'il y a un projet concret qui va sortir de ce collectif-là? On verra. Pour l'instant, il n'y a rien sur la table à ce niveau-là. C'est que c'est tous des artistes solo. Okay. Ouais. L'idée du collectif, c'est pas nécessairement leur imposer un collectif, c'est d'utiliser la convergence artistique. Yeah. Okay. Donc, le collectif, c'est qu'on roule tous ensemble, on travaille ensemble, puis on s'aide mutuellement. Puis lorsque c'est le temps d'un des gars de Shine, tout le team aide ce gars-là à Shine. Fait que puis on collabore ensemble, évidemment, parce que c'est des talents complémentaires. On a deux sick beat producers dans l'équipe, avec Soke puis Shash. On a un chanteur R&B d'expérience qui a plus producteur que 15 ses producteurs. Marco Volsi, notre chef d'orchestre avec le band, Marco Volsi. On a de l'anglais, on a du français, on a du patois, on a du créole. Tu comprends, au niveau de... À la limite, on a même de l'espagnol, on peut exporter les sons. On a des rappers dans tous les genres. Donc l'idée, c'est d'utiliser tous ces éléments-là puis les mettre à profit pour les autres. Okay? C'est dans ce sens-là qu'on a un collectif. Okay? Puis, mais c'est pas un groupe à proprement parler. T'sais. OK. Mais les premières collaborations de tout le monde qu'on peut entendre, c'est sur le projet Asoké, je crois. Il y en a trois. C'est trois ça. Là-dessus. C'est ça. Comment tu vois ça, toi, Cameron, tout le monde ensemble avec le nouveau staff? Avec le nouveau staff. Ben, c'est exactement comme Carlos il dit, c'est vraiment comme autant d'artistes qui gravitaient un petit peu autour. Fait que Asoké, justement, qui aurait cru, c'était comme un des gros beats. Qui se faisait recréer en live puis tout ça, fait de voir justement qu'il y avait cet intérêt-là. Taz, c'est lui qui a host mon lancement. Ouais. Fait, c'est comme on a pris le temps de jaser un petit peu avec du monde, puis c'est du monde de loin et de proche. Pour moi, c'est un plaisir d'être avec ce monde-là parce que c'est du monde que je vois qui travaille, tu comprends? Fait que ça devient encourageant aussi, tu sais. Step ton game up quand t'as du monde comme ça autour de toi aussi, tu sais. Parce que j'ai passé une année avant à m'auto-motiver aussi, tu sais, à sortir mes trucs. Tu t'es auto-motivé, mais t'as step ton game up à toi en particulier. T'as été des gars, sinon le gars le plus productif la dernière année avec quoi? Trois mixtapes, quatre mixtapes, un album, des shows, des... On a laissé Cernes pour le prouver, tu vois. Non, sérieux, on vous a reçu à l'émission, on a suivi vos projets, ça se passe à fond, comme dirait le roi. notre boy. Mais bon, sinon, à partir... bon, maintenant, il y a le projet de Soke. Yep. Pour le reste de l'année, là, on se dirige vers quoi? En ce moment, ben, il y a Karma qui travaille un projet avec Marco. OK. Quelque chose de vraiment frais. Un duo, un album à deux? Ouais, à deux. Karma, il travaille avec Paul Cagnolo également. Donc, ouais. Un projet blues rap. Blues rap, même, ouais. ça un peu beau. Comme sur la chanson Ne pleure pas. D'ailleurs, on s'en va à Cuba dans deux jours filmer le vidéo pour ça avec 16 Pads. Ça s'en vient bientôt, c'est un gros vidéo. Évidemment, il y a Soke qui travaille sur son album reggae, surtout vraiment une sauce reggae, du rag à rap si tu veux, mais on vous a offert du très bon rap avec Soke Sound System, puis il entend se consacrer plus au reggae pour les prochains mois, pour arriver avec un album vraiment, c'est une sauce plus grand public, mais toujours en gardant sa sauce hip-hop quand même. Ouais. Soke de ce bord-là. Il y a Wally évidemment qui fait ses mouvements à NFL avec Nexayo. Oui, il est le son de 16, ça c'est sa affaire à lui, il gère ça comme un boss. Il y a Dirty Taz qui a... on dirait qu'il a rajeuni 10 ans, mais il a trouvé une rage au micro là. Mais son dernier album, Les Dudes du Village, était quand même fou. Très fou. Bah, très, très bon fou. Album. Sauf que j'ose espérer que le saut Silence d'Or, Fresh Makers, va venir rajouter encore un petit grain encore plus fraîche. Fresh Makers, Puis jour après jour, il nous arrive avec des trucs. D'ailleurs, on vient d'envoyer les trois premiers tracks au mix pour l'album en 2012. Chaque chose en son temps. Écoute, il y a de tout. Il y a Karma avec Good Vibes, qui est notre autre DJ, avec Chachou, qui prépare un projet anglophone. On a nos soirées Fresh Makers tous les jeudis soirs. Au Jukebox. C'est vraiment pour mettre de l'avant nos DJ. Puis, raviver un petit peu ce qui manque à Montréal, des vraies soirées hip-hop sans prétention, 25 plus. Je chill avec mon verre de cognac puis mes espadrilles dans les pieds, puis il n'y a pas de bonne sœur qui me dit d'enlever ma casquette, Ouais. Puis juste, on fait notre ce qui est rare sur Saint-Laurent. Puis on fait notre truc, tu sais. Puis en tant que Montréalais, justement, il faut qu'on remette un petit peu. On est rendu à l'âge que c'est à nous de donner, justement, à la scène montréalaise. On essaye de faire notre part. C'est ça. Puis sinon, bon, vous avez votre soirée à chaque semaine au Jukebox, mais côté spectacle, parce qu'il y a le printemps été qui s'en vient, est-ce que vous avez déjà des shows prévus où les gens vont pouvoir Vont sur scène? Pour pas vous nommer plein de trucs, je vais laisser Soké nous parler de ces trois prochains shows qui s'en viennent à l'extérieur de Montréal, parce que vraiment, on va se concentrer sur ça dans les médias pour Soké. Mais petite surprise, on prépare un gros show Silence d'or avec tous les artistes du label. OK. Bonne idée. Avec un band live. Ah ouais. Parce que d'ailleurs, on vient de faire le Metropolis avec Carmen, mais là, la substance avec band live est tellement fraîche qu'on veut présenter toute l'équipe, tous les artistes. Donc, c'est une rotation, passer de Carmen à Soké, du Soké à Marco, de Marco au garçon, les deux filles, en tout cas. Fait que c'est ça, man. Ça va être big, probablement pour le mois de mai. OK. Parfait. Mais là, Soké, tu vas nous donner tes dates. Ouais, Soké, les shows, les gens peuvent te voir sur scène quelque part dans les prochaines semaines, prochains mois. Pour les gens de Ottawa Hall, il y a un show au Club Le Tonic, à l'Université du Québec à Hall. Sinon, il y a le 10 avril au Café K.O. C'est pas cher, c'est vraiment pas cher, donc ça vaut la peine de se déplacer, d'être très bons artistes. Le 23 avril à Val-d'Or. Val-d'Or, what's up? À la méchante salle. Je suis 1er avril au Café Chaos. 1er avril aussi? Ouais. Ok. Ça, je te le rajoute à ton. Ok. Vous c'est pas un poisson d'avril, non, c'est real. C'est vrai, c'est Boycott qui fait ça. Là. C'est l'agenda en papier. si on avait une deuxième pièce à présenter de ton projet Sound System, on irait avec quoi? Juste avant la prestation live, parce qu'on a quand même Karma, Wally Sparks dans la place à être. Yeah. Donc, le prochain track que je vais présenter, c'est Multicolore avec Jazz, Eman, Dacrophone et Jody Rester. Gros track. Sérieux? Yeah. Shout-out à Jazz, shout-out à Eman. Gros shit. Pas de shout-out pour Jody. Hein? Oh. Ouais, shout-out à Jody. Shout-out à Jody. On l'a choisi, si vous êtes dans votre voiture, vous allez feel ce track. J'en ai vu de toutes les couleurs, mais rien ne peut m'arrêter. Je connais le noir et la douleur, mais ça m'emporte bien plus pour galérer. Yo, la ville est ma toile vierge, man. Check it out. Yo, la pleine lune est pour les loups, puis les grapples dans le loup. Mes œuvres loufoques sont checkées de très très près à la loupe. Quel nom qui est écrit là, avec le crayon. Mon tag fait plus de bruit qu'un cri, je ne serai pas ce crayon. L'art de russe c'est mon créneau, avec une canne j'avais stress. Un accro dangereux avec un crayon. Crayola, coupé tête pour les kayaks créoles. D'où tu viens, j'ouvre ma job, puis je criole. Mais je suis basé à Montréal, étudié coréen. Je chine le soir tard comme un enfant boréal. Chez les gars et la cagoule, la peinture coagule, je perds la boule. Multicolore comme soleil et diamant, rire les couleurs comme le frais du samar. J'vois toutes les scènes et fruity loops, des olympiques. Un trip de moche que mal viré, un gros solo Jimi Hendrix. J'veux le bleu dans le ciel, le gris de l'asphalte, le rose de l'asphalte, pour moi en argent. J'en ai vu de toutes les couleurs, mais rien ne peut m'arrêter. J'connais le noir et la douleur, mais ça m'entend bien plus pour galérer. quand ça jette des traces de sang rouge sur les pierres du saône. Tellement chaud que c'est mauve. Puis t'as les autres qui nous bourrent d'arc-en-ciel pour nous faire croire que c'est rose. Mais comment surtout pas pour mes ghetto quand le ghetto c'est nous autres. Quand chaque du premier change les couleurs de ta zone. Quand le drapeau blanc sans rien d'autre que des chiffons pour essuyer nos potes. Plus de d'autres, pourquoi t'attends d'avoir les bleus pour avoir honte? Pourquoi ceux qui sont pour deviennent contre? C'est le bar qui nous montre, y'a des conquérants déguisés en bombe. Du monde qui bouge juste pour les comptes. Fuck yeah, moi je vois rouge, plus ça monte, plus ça change, plus ça trompe. Après on se regarde pis on est jaune. J'ai pas l'impression d'un monde noir et sombre ni clair. Exclusivité, ghetto érudit, c'est Soulkay Sound System, collaboration avec Jazz Eman et Jody Rester, tout ça sur les ondes de CISM à ghetto érudit. Donc si vous voulez vous procurer l'album, c'est très simple en ce moment, vous pouvez l'avoir sur la shop zone du site hhqc.com, donc allez placer vos commandes. Les gars sont toujours dans la place, on est prêt pour la prestation live. Je crois qu'on va y aller avec le deuxième extrait vidéo, parce qu'il y a eu les tâches souterraines en premier, mais le deuxième c'est la collabo avec les Freshmakers. Yes. On a Karma Chica dans la place. On a Wally Sparks. Yeah. On a Dirty Taz d'Esprit. Shout out à Dirty Taz. On puis, a le avatar de Dirty Taz dans la place. Hein. L'avatar. Voilà, Soda, tu sais quoi faire. All right. C'est quand t'es prêt. Let's do this. Hey, and not a joke. Come not on. A joke, joke. Hey, it's okay. Wally Sparks, yeah. Karma, yeah. Check it out, Fresh Makers, yeah. Yo, go. Check it. Mes mots te collent dans la bouche comme la barbe à papa et apparaissent dans ta tête. Abracadabra. 10 piastres pour un 10, ça coûte qu'un bras. T'achètes pas, y'a pas de quoi faire un plat. Tu frottes ma clique là, tu mets les pieds dans les plats. T'es 7 bites, t'as dû mordu à la part. Demande tout autour, c'est Karma Chica. Les crayons dans le compas, ça me fait des ronds. Je plaisante pas, à force de parler, t'es pile dans ta blague. Donc, ferme ta bouche, cesse tes blabla. Blabla, blabla. On vient faire des dégâts. Silence dans, c'est mon team, je te présente mes gars. Hey yo, me présente. Moi c'est Taz. Je présente grave tous les MC sages en bave. Gage que mes vers t'abreuvent comme une bonne cervoise. Ce que tu fais me lève le cœur comme une slush framboise. Wow. En genoux, perso. Dès que je te donne ta tuce, petit retour au perso. Qui sort de ma bouche, paraît que tu le prends perso. Mais tu fermes ta gueule, naso, gros comme des cerceaux. Sors de mon palais, t'as des textes qui pleurent. Tu seras jamais le real meal, c'est qu'un substitut. Oui, quand tu craches tes rimes, ça sent le restitut. Redonne la couronne au king, je te destitue. Mets ton mouthpiece. CISM, what's up? Mets ton mouthpiece. Mets ton héritier, mets ton mouthpiece. Fresh Makers, mets ton mouthpiece. MCL, hey, mets ton mouthpiece. Tout le monde en crie, mets ton mouthpiece. Mets l'or dehors, mets ton mouthpiece. Yo, donne ma langue au choc, pussy cat me donne une shot. Chaleur dans la trachée pour réveiller ma gorge. On veut tous manger avec ce rap merde. Plusieurs se rappellent qu'ils ont rien à perdre à part leurs dents. Même si je me mets dedans, MC cochon d'aide, tu me donnes le dédain. Sauf que j'suis un peu comme des dédains. j'aime bien mon ton. Je veux juste me voir monter, manger des sushis au thon et boire mon thé tata. Le silence est plus fort que le cri et Babylone ne fera jamais rien contre le cri, mais contrôle par le cri. Ah. Tout en s'encrissant, notre tête c'est une prison et nos paroles sont des armes de précision. Je te laisse bouffer, pas juste là pour prendre des bouchées, mais on est proche de déboucher le top spot comme mon boucher. À cause de ça, je coupe plus de viande qu'un boucher. Elle me trouve fraîche, wesh, même avant de me toucher. Kaki sur texte, humble dans mes gestes, tu copies rabaisse, tes chances être le best, les profits j'accepte dans mon compte check, ça vient de son on blend le mic à chaque fois qu'on check. Check, la clique, ouais, le groupe, le cheveu dans ta soupe, j'suis sick, ouais. J'suis au fly comme une soucoupe, un beat frais, sauté avec sa bouche, pistolet, on crache que des gâteaux, hein. Mettons ma vie, tout le monde dans ta place, mettons ma vie, yo, dans ta maison, mettons ma vie, fresh make it in the house, mettons ma vie, sing it in my hand, mettons ma vie. Mettons ma prise. Live à CSM 89.3 FM. Freshmakers. Du Mongness comme ça, c'est tight, man. Mongness. Les gars, ils sont capables de, d'émuler ce qu'ils font en studio, straight up and down, dans nos studios. Vidéo à voir très bientôt en ligne via gâteauerudit.com. Puis je vous rappelle, ce beat-là, c'est pas fait avec des machines, hein. C'est fait entièrement avec la bouche à soquer. Une bouche humaine. For real. Gros beat. Sérieux. Sick, man. Ça vous tente-tu de poursuivre ça? Cypher? Un petit cypher bien bref, là. Un petit cypher bien bref. pour respecter le mongness. On peut y aller dans les cordes à soquer, tu sais. Je pense qu'on va être obligé de les donner les faits concrets, là. Donner le jazz. Ouais. Ya. L'argent c'est les dettes, puis les dettes sont l'esclavage. Oh non. Hey, l'argent c'est les dettes, puis les dettes sont l'esclavage. Prête-leur ton cerveau pour un autre lavage. Out in the street, yo. Le tiers monde sera toujours fier. Je lance une pierre fièrement contre les missiles de mon adversaire. Me fous de finir perdant. Eh bien je prête ce serment. Sincèrement j'en fais misère. Comme Crane, comme César. Je l'ai aimé comme César. Toutes nos couleurs tournent au gris. La sourdine couvre nos cris. Nos trios nous nourrissent. Mais à quel prix? Je veux plus toucher du bois si l'homme me poisson. Tu vas me poiser. Hey, check it out, Babylone c'est bien plus que la police. Coup de feu sur un jeune du ghetto impolé. Les milliards investis pour tuer pourraient servir à verver. Shit, pour respirer nos taxes fermées. La liberté est déterminée par le pouvoir d'Asia. Pourtant on nous... Welcome to Jamrock. Welcome to ghetto erudino. Welcome to MTA. Oh na-na-na-na-no. Check it out. Ça me fait de la peine de penser aux miens atteints du choléra, sachant que dans un mois on en parlera à peine. Aux victimes de guerre, aux vies perdues sur le terrain, dans le pétrin, forcés à se battre car ils n'ont plus rien. D'être dirigés par un système où le vice règne, où des prêtres pédophiles sont contrôlés par l'église même. En chute libre, on bat des ailes et croit voler. Trop de leur à mes yeux, certains méritent des volets. Hey. Manipule les infos, tourne nos filles en info, man. Trop de taxes, mais où vont mes impôts? Pas de stress, mais la vie m'offre rien de drôle. On est forcé de rire aux larmes. Donne-leur le jazz. Ghetto érudit. Donne-leur le jazz. Donne-leur le jazz. Tourne-vie en info, man. La fatigue improvisée, man. Les gars, ils sont têtes, yeah. Non, sérieux, c'était Freshman, big up. Un petit mongness comme ça, l'improvisation, tu sais. Yeah. So, thanks encore une fois, Soke, Karma, Wally, yeah. Freshmakers. Merci à vous. Procurez-vous le street album de Soke. Sound System. Ça vaut la peine, c'est dope. À date, tout ce que j'ai entendu, c'est chaud, fait que... J'imagine pas les autres pièces avec des gros featuring aussi. Big up, man. On te supporte à fond là-dedans. Thanks. Puis allez voir les sites web, les pages Facebook des artistes pour en apprendre davantage. Donc, je pense qu'on pourrait poursuivre avec une pièce sur laquelle les trois artistes ici vous figurez. Tantôt, on parlait de 2K9. Pourquoi pas écouter la pièce Journée de pluie avec Soke Demon, Wally Sparks ainsi que Karma. Yeah. Right, donc on écoute ça et on revient ensuite au show plus long, you know? Dans un vibe de ciel gris, la pluie vient ravager mon envie de sortir. Mon cerveau inondé de pensées sordides. J'essaie de décoder mes cauchemars, faut que je mette mon réveil en sourdine. Spliff avec le café matinal, ma tête s'alourdit. Sauf je m'attaque à l'ordi. Séquence sera 83, ma page est blanche, mon sens gaspé, des fois je me l'ordi. Rage, confusion, mélancolie, en moi forme un entier. Un beat comme punching bag, c'est formidable, no one can take that from me. Hey. J'te nostalgique l'époque du boubou. Entouré de requins, watch out, G, j'te fougou. Si arrête pas de pleuvoir, amène ton arche de Noé. Mais pas question que je sorte dehors pour aller marcher, no way. J'me fais livrer de la bouffe trop paresseux pour cuisiner. Peut-être qu'avec le ventre plein, j'aurai des lyrics à fusiller. Quand il me m'offre une bière, ma soeur, j'suis pas à court de récit. Représentant mon état d'âme avec une journée de pluie. Yeah, man. Et une journée comme ça, man. Mais ça va un peu shitty, you know. Bam, you know, ça fait apprécier le beau temps. Fait que, yeah, man, c'est quoi, man? Je vais prendre ça relax aujourd'hui. Faire 2-3 appels. Fait que 2-3 heures. Check. Une autre journée de pluie ramène la nostalgie. C'est d'où je viens, je rappe le North Star G, MTL, ma ville natale. Malgré l'atmosphère maussade, j'écris des rimes beaux sales qui glissent bien comme une peau mal. Pour certains c'est difficile, je trouve ça dommage. Je me mets en mode réflexion quand je vois tomber des gouttes de lettres sur la fenêtre. La température commence à être froide, ce track remplace la chaufferette. Je pense à des façons de faire plus de bread que proxénète. Puis dans la musique, avoir plus de connect que Monsieur Net. Les billes s'empilent, trop de shit à payer. Yo, je stresse pas, en autant je suis pas trop en détail. Le sourire aux lèvres quand je pisse, quelque chose plus fat qu'une paire de TT. Le cendrier rempli, une autre journée pétée sous la vue. Back to the travail, aujourd'hui je râle jusqu'à temps que j'atteigne le plus haut des cieux. Journée de pluie, t'as l'impression que les choses vont nulle part et que les choses tournent en rond. Une journée de pluie, yeah, c'est pas un secret ici, beaucoup de gens souffrent de dépression. Une journée de pluie, t'as l'impression que les jours vont nulle part et que les choses tournent en rond. C'est une journée de pluie. T'es en réflexion, doute pas tes réussites. Cherche une solution. Ma tête en face de la fenêtre, j'peux être high, get crump. Mais j'suis pas trop sur la fête. Le stress pèse sur ma tête comme ton voisin d'en bas quand tu pèses sur sa tête. Ou ton boy dans l'autre chambre qui aurait hausse sur l'une tête. Voici, j'vais dire. Creuse, sors le méchant. Te l'exprime, pose dessus pour souffre d'un méchant. J'rêve une ville à dans les îles avec des kilomètres de champ. Pour le moment, c'est sur le beach, j'donne des kilomètres de champ. J'suis rendu au chantage. Plus le temps passe. Les fous m'enlacent, faudrait que je m'en passe. J'suis pas inquiet pour ça, mais j'ai un stress quand même. Ma mère me dit tout le temps que j'suis un phénomène. Ça me ramène aux deals à opérer, plein de problèmes à régler. Rien peut m'égayer, pas même un dance à régler. Bientôt la neige à déplier, c'est beaucoup de temps à rêver ça. Retrouve-moi dans les tropiques, par mon cours où c'est le best. Une journée de pluie, t'as l'impression que les jours vont nulle part et que les choses tournent en rond. Une journée de pluie, c'est pas un secret ici, beaucoup de gens souffrent de dépression. Une journée de pluie, t'as l'impression que les jours vont nulle part et que les choses tournent en rond. Une journée de pluie, t'es en réflexion, doute pas tes réussites. Cherche des solutions, c'est une journée de pluie. T'as l'impression que les jours vont nulle part et que les choses tournent en rond. C'est une journée de pluie, c'est pas un secret ici, beaucoup de gens souffrent de dépression. C'est une journée de pluie. Journée de pluie. Yeah. Grosse pièce, c'est quoi le titre de cette pièce-là? Journée de pluie avec Soke, Wally Sparks et Karma Achika. C'est assez dadon que j'ai tombé sur cette pièce, étant donné que les 3-4 c'était dans la place. Donc, Remerciez Wally parce que c'est à cause de lui que la pièce est dehors aujourd'hui. Yes! Shout out à Wally. Merci à toute l'équipe de Silence d'Or, les Freshmakers, Soke. Yeah! Allez vous procurer son projet Sound System via le site hhqc.com. Yeah. Sinon, pour nous, le rendez-vous est la semaine prochaine dès 19h30. On reçoit le vieux chef, l'ex-membre de Complice, l'ancien des Chiefs, le killer des World of Battles. On a CDRIK qui sera dans la place à être pour venir nous présenter son nouvel album. Ça va être sick. Donc, man, les prestations live à toutes les semaines, c'est complètement fou. You know. On se croise la semaine prochaine ici. On se laisse ce soir sur un classique assez récent, mais bon, c'est ma demande spéciale de la soirée. Danger Doom, qui consiste en Danger Mouse et MF Doom, yes, tiré de leur seul et unique album, The Mouse and the Mask. Benzy Box avec CeeLo Green. So, bon choix, bon choix. Revenez la semaine prochaine. Peace out. Jump rope, double dutch, then turn on the mic with a thumb stroke. Subtle touch, cuddle clutch, is this thing on like the fling with Mrs. King Kong this spring gone? Sing a song of slap happy crappiness. He came to blow like it was strapped to his nappy chest. Surely I jest, the best on a wireless mic, not an eye test. Yet I digress, but why stress? Try and remember when maybe bit the tender skinned babysitter Gwendolyn. The type to hit and run and go tell a friend. Word to El Muerto, Cucaracha, exoskeleton. He know, flow like interstellar wind. Toe a rap gin by his toe into hell again. 1-2 check, me too. Loose wreck, see through your gooseneck EQ. His name's Doom. They wonder just who is he, but don't worry. Believe me, he'll get busy when it comes to poetry. He's got plenty, la la la. Hey, if I may interject, rap these days is like a pain up in the neck. Cornier and phonier than a play fight. Take two of these and don't phone me on the late night. The beat won't fail me with more rhymes than times he washes hands and feet daily. And all that kerosene ain't cheap. Villain been deep since a teenage creep peep. He always was a gentleman and kept a pen and a pencil in his mental den. Right there next to where the Rolodex was before it turned